Chapitre 21e, Règlement de compte. Dans le courant du mois d'avril, les Aixois virent encore l'affrontement du régiment de Lamarque, favorable aux prêtres réfractaires contre les gardes nationaux, défenseurs de la Constitution. Au beau milieu de ces luttes cléricales, mal endémiques vu le nombre de religieux dans la ville, Angèle s'était mise justement à fréquenter Saint-Sauveur deux fois par jour. Au vêpres, Jeanne venait avec elle. Manon et Armande les accompagnaient aussi, calmant leur inquiétude dans le recueillement et la prière. La population aixoise commençait à se scinder en deux. D'une part, ceux qui se détachaient de la religion, estimant que c'était une marque de l'ancien régime, et d'autre part ceux qui, au contraire, s'y réfugiaient, y trouvant une valeur sûre et intemporelle. Un soir de la semaine de la fête Dieu, l'homme au bras cassé passa en coup de vent chez Anisset, les raffolés. Il leur parla précipitamment. Ils étaient assis au bord de la fontaine d'Espaluc, pendant que moi j'étais à balayer le devant de la porte du cloître juste à côté. Je les ai reconnus à la voix, ces deux coquins. Heureusement que j'étais de dos. J'ai entendu tout ce qu'ils se disaient. Ils vous suivront pendant la fête Dieu et viendront vous tendre une embuscade quand vous rentrerez. Allez, je m'esbigne, sinon je suis mort. » Cette annonce ne surprit guère les deux amis. Ils s'attendaient à ce qu'un jour prochain ces deux bêtes du diable leur causassent des problèmes. Que faire ? Se barricader au fond de leur maison et subir un éventuel assaut. Les bandits étaient capables de venir avec des renforts, intrépides mais pas téméraires, ces gaillards. « Écoute, dit Corentin, il faut à tout prix les empêcher d'entrer dans nos maisons. Pour commencer, nous allons mettre nos femmes à l'abri. Nous allons les envoyer toutes les deux chez Hyacinthe, et nous, nous allons faire le guet et les prendre à revers. Ils ne s'attendront certainement pas à ce qu'on leur tombe dessus par surprise. Bien raisonné, frérot. Mais tu es sûr que nous allons parvenir à avoir le dessus? Tu sais bien que peu sont capables de nous battre au bâton. Ce n'est pas pour rien qu'on s'entraîne régulièrement. Et si nous appelions les nationaux à la rescousse? Proposa Anisset. Mauvais plan. Tu ne peux tendre une embuscade avec la force publique. Ce n'est guère légal. Et puis, il faudrait qu'il y ait flagrant délit. D'ailleurs, cela m'étonnerait qu'ils acceptent. Non, il vaut mieux régler nos affaires seuls et discrètement, si possible sans témoins. Si nous voulons être efficaces, il faut nous mettre aux aguets avant qu'ils ne le fassent, proposa Anisset. Ils comptent nous surprendre, mais c'est nous qui allons leur tomber dessus. Nous allons passer deux paires de bas de laine et enlever nos souliers. Ainsi nous pourrons nous déplacer sans bruit. Qu'en penses-tu? Bonne idée, d'autant qu'il ne pleut pas. Dès la tombée de la nuit, vers 7 heures, ils étaient déjà en tenue et les femmes avaient été mises à l'abri, non sans regimber. Par prudence, Anisset avait prévenu Jeanne qu'elle n'est pas à sortir si elle entendait du bruit. En revanche, elle pourrait, à travers les lames du volet, essayer de voir si les deux amis n'étaient pas en totale détresse. Comme ils ne pouvaient pas prendre les deux artisans en chasse, puisqu'ils ne les trouvaient pas à la fête, les agresseurs viendraient nécessairement jusqu'à leur porte d'entrée, espérant leur arriver au logis. Mais le difficile pour Corentin et Anisset était de savoir où se cacher. Par où les brigands pénétreraient-ils dans le quartier? Par la rue de la Porte-Peinte ou par la rue du Griffon? Écoute, décida Corentin. « Moi, je vais me mettre au coin de la rue du Séminaire et toi, tu te posteras dans la rue Esquichée au Coudeau. De là, toi comme moi, nous les verrons sortir de la rue du Griffon. Et s'ils viennent depuis la rue de Littéra, tu les verras passer. Il faut réussir à les prendre en tenaille. »« Et s'ils remontaient la rue du Séminaire ? » demanda Anisset. « Eh ben, je les verrai venir de loin et je me cacherai en face, dans le porche de l'hôtel de Galice. Mais je ne pense pas qu'ils empruntent le chemin le plus long. » Vers 7h30, un peu avant la fin de la fête Dieu, ils allèrent prendre leur poste. La nuit était complète et seules deux lanternes éclairaient chichement les lieux, une au croisement de la rue du Séminaire et de la rue Porte-Peinte, une autre au début de cette dernière rue. Corentin s'était muni de sa canne en noyer dont il ne comptait pas utiliser la lame. Anisset, lui, avait une forte branche de buis séculaire, cadeau du chanoine Jouve et qui avait caressé plusieurs échines dans sa vie de bâton. Un peu avant 8 heures, Anisset entendit des voix qui remontaient la rue de la Grande Horloge. La fête allait finir. Il fallait redoubler de vigilance. Caché dans l'ombre de la rue Esquichée au Coudeau, Anisset vit bientôt passer un homme armé d'une pique avançant avec précaution. Il reconnut un des deux sbires. « Et l'autre ?» se dit-il. Le deuxième, muni d'une forte canne, remontait la rue du Séminaire et Corentin eut juste le temps de se jeter à l'abri de la porte cochère de l'hôtel de Galice. Ne sachant d'où allait venir leur proie, les deux brigands avaient choisi la même stratégie que les deux artisans, pensant prendre aussi leurs adversaires en tenaille. Celui qui venait de la rue du Séminaire se tapit près de la porte d'Anisset, L'autre s'arrêta à la rue du Griffon et se rencogna dans l'entrée de Jeanne. Anicet avança à pas de loup et se plaqua contre la façade, à une toise seulement de lui. Quant à Corentin, il se rapprocha également sans être vu jusqu'à entendre la respiration de son adversaire. Il fallait que l'un des deux amis donnât le signal. Corentin savait exactement où était posté son homme, sans avoir besoin de le voir. Subitement, il bondit, lui fit face et asséna un puissant coup vertical sur la forme qu'il devinait. Au bruit sourd du coup succéda un râle. L'autre forban quitta alors son abri, mais ne put parcourir qu'une demi-toise. Le bâton d'Anicet siffla dans les airs et atteignit l'homme au haut des épaules, lui faisant plier les genoux. Il tenta de se relever, mais Anicet le frappa cette fois sur la nuque, lui brisant ainsi le rachis cervical. Anicet resta quelques secondes interdit. C'était déjà terminé. Lui qui s'attendait à échanger des coups d'estoc et de taille. Un peu hébété, il se rendit près de Corentin, toujours devant sa porte. « Alors ?» fit-il. « Ma foi, » répondit Corentin, désignant son adversaire. « Il ne bouge pas. Je crois bien que je l'ai assommé. » Anicet entra chez lui et revint avec une chandelle allumée dont il éclaira le corps, puis en éteignit aussitôt la flamme. « Tu as vu le filet de sang qui lui coule de l'oreille ?»« Ah ?» fit Corentin, dubitatif. « Eh va où, mon béo ? Tu lui as cassé la tête. C'est fini pour lui. Pour l'autre aussi, d'ailleurs. » « Ah oh, Santa Verge ! Mais ils étaient en sucre, tous les deux. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Encore un voyage sur le plateau du Charton, comme Larieux ? Peut-être pas. » Anicet alla jeter un coup d'œil dans la rue du Séminaire. Elle était maintenant déserte. « Tire mon homme par les pieds et amène-le là, en face de la rue du Puy-Neuf. Moi, je vais chercher l'autre. » Pour éviter qu'on puisse suivre le mort aux traînées de sang qu'il laisserait, Anicet lui entortilla la tête dans un linge, puis doucement le tira à côté de son acolyte. Après quoi il enleva le linge, puis il retourna chez lui et en ressortit avec une bouteille de marc dont il aspergea le visage des deux hommes. « Voilà, dit-il, je sais que l'odeur de moût de raisin est tenace. Plaçons les armes dans leurs mains. Il faut croire qu'ils se sont entretués alors qu'ils étaient empégués. » Après quoi, Anicet donna des coups de bâton par terre, contre les murs, poussa des jurons et des insultes, imités par Corentin qui avait vite compris. Cela ne dura qu'une minute, puis les deux amis s'esquivèrent devant chez Anicet. Ils entendirent un volet qu'on ouvrait violemment dans la rue du Séminaire. « Qu'est-ce qui se passe ? » s'écria une voix de femme. « Vous aurez bientôt fini, oui ?»« Allez, viens !» chuchota Anicet. « Entrons chez moi et attendons la suite de l'histoire. » Par prudence et sans bruit, il jeta un seau d'eau devant sa porte pour laver d'éventuelles coulures de sang. Précaution inutile car la pluie se mit à tomber de rue. « Si nous allions chercher nos femmes, » proposa Corentin, « elles doivent se demander ce qui s'est passé. » Nous n'avons pas fait de bruit, et je me demande même si Jeanne s'est aperçue de quelque chose. Attends, nous ne savons même pas si quelqu'un est descendu voir dans la rue, après notre tintamarre. On a peut-être été prévenir les autorités, il vaut mieux que personne ne nous voie dehors. Nous dormons, Corentin, tu comprends? Nous ne courons pas les rues en pleine nuit, et qui plus est sous la pluie battante. Nous n'avons rien vu, rien entendu. Il plut s'en discontinuer une bonne partie de la nuit. En Provence, la quantité d'eau tombée rattrape souvent la faible fréquence des pluies. Ce n'est donc qu'au matin, au lever du jour, qu'on découvrit les corps des deux brigands non seulement bien refroidis, mais aussi bien humides. Les deux artisans allèrent chercher leur compagne chez Hyacinthe. Ils leur dirent la vérité, ce qui attrista grandement les deux femmes, désolées de constater que leurs amants n'avaient pas hésité à éliminer froidement leurs adversaires. « Et dire que nous sommes à la ville, » dit Armande, pleine d'aigreur, « on se croirait dans la campagne la plus reculée au pays des brutes. » Ou autant des guerres de religion, renchérit Manon, quand les voisins s'entrigorgeaient. Oh, doucement, cancanière. Nous n'avons jamais donné qu'un coup de bâton chacun. Non, moi deux, repartit Anicet. Et vous ne semblez avoir ni remords ni regrets. Quand je pense que Béranger s'est pendu pour moins que ça, s'écria Armande. C'est vrai qu'il aurait mieux valu que vous veniez pleurer sur nos tombes. Ça aurait été plus conforme à votre foi religieuse. Mais rien ne vous empêche de vous rhabiller de noir. Je pense que ça vous ira très bien, persifla Anicet. « Au lieu d'être contente que nous soyons encore vivants, » continua Corentin, « vous nous faites une mine de 6 pans de long. Ah, c'est bon d'être aimé, ça fait plaisir. » La discussion s'arrêta là, car les deux femmes savaient bien qu'ils vivaient une époque cruelle, où la violence était quotidienne, même dans les villes. Manon, qui n'hésitait pas à frapper s'il le fallait, le comprenait mieux qu'Armande, plus pacifique. Hyacinthe félicita les deux artisans, ce qui lui valut les réprimandes des deux femmes. « C'est ça, dis-leur bravo, toi, bourrique. » « Encourage-les à recommencer, » s'énerva Armande. « Ils n'ont fait que se défendre, » argua Hyacinthe. Ces vauriens cherchaient la bagarre, ils y ont reçu des coups, rien de plus normal. Mais ils sont morts, sentait Armande. Et alors? On ne va tout de même pas pleurer sur leur sort, non? Personne n'alla raconter l'histoire à Jeanne et à Angèle, qu'il valait mieux préserver d'un épisode de violence. Les deux corps furent emportés à la morgue où ils furent facilement reconnus. Anissé avait raison, l'odeur de marre était encore tenace, et le scénario prévu avait été gobé par ceux qui découvrirent les corps. La femme qui avait ouvert ses volets avait témoigné avoir entendu une dispute suivie de coups violents. On conclut à une fin logique pour deux gibiers de potence. « M'baku aurait pas d'aller y pendre, » remarqua le bourreau qui faisait aussi office de médecin légiste.